Les petits papiers d'Estelle, une revue de presse qui parle des enfants et des ados. Aujourd'hui, je me sens adolescente. À l'âge, on a tendance à partir un peu dans tous les sens, donc je vous ai fait une revue de presse bordélique. Voilà. Ah oui, carrément, oui, c'est ça. Ça commence mal l'année. Ça m'a semblé raccord. Alors, on commence par une question. Qu'est-ce qui est plus difficile que d'être contraint à quitter son pays pour recommencer à zéro ailleurs, Véronique, une Qu'est-ce idée qui est plus difficile? Ouais. Non, rien, je pense. Eh ben, c'est le faire deux fois, en fait. C'est-à-dire, plus exactement, recommencer dans l'autre sens. Alors, le Figaro consacré le 2 novembre un article à l'âpre retour chez eux des enfants afghans, à partir d'un rapport de l'ONG Save the Children. Zahra, 16 ans, dont la famille a fui les violences de son pays et demandé asile en Norvège, nous dit « Tous nos amis étaient norvégiens. Nous avions totalement transposé notre vie là-bas. Le passé était derrière nous. Mais au bout de 4 ans, la demande est rejetée et la jeune fille doit refaire sa vie à Kaboul qu'elle avait un tantinet oublié. » Alors ce type d'histoire, il s'en répète des milliers chaque année et c'est donc à lire sur le site du Figaro. Même s'il n'y a guère de matière à se réjouir dans cet article. Mais bon, tant pis, il faut s'informer quand même, je crois. Et on rentre en France, et dans l'intimité cette fois de nos ados, pour apprendre à dire non avec lemonde.fr. Le titre de l'article m'a intriguée, « Éduquer les adolescents au consentement ». L'auteur, Maya Mazorette, pose quelques chiffres en préambule. 1,7% des jeunes filles ont perdu leur virginité, je vais y arriver, sous la contrainte. Et 10,7% parce qu'elles ont cédé aux attentes de leur partenaire. 20% des enfants sont victimes de comportements sexistes ou de harcèlement sexuel. Mais non. Ben oui, il faut dire non en fait, hein, car dire non, c'est aussi apprendre à dire oui, à consentir donc. Comment mettre le consentement au cœur de l'apprentissage des filles comme des garçons? C'est ce que nous invite à faire cet article, en dialoguant avec les ados bien sûr, mais d'abord avec soi-même sur ces sujets parfois pas si simples à regarder en face pour des adultes, quelquefois attirés par des zones troubles et grises à ne pas forcément transmettre à tous les âges. Sur le même sujet, on peut lire aussi dans l'Express du 24 octobre l'article « Ados et sexualité, le consentement s'apprend », un article qui remet notamment en question l'idée que les hommes auraient des besoins sexuels, comme on parle de besoin de manger ou de boire, des besoins auxquels il faudrait obéir, sûrement pas. Le consentement, on vous dit pas. Consentir, pas obéir, donc. Mais non. Une info qui concerne beaucoup les ados à nouveau, mais pas seulement eux, à retrouver dans Le Monde du 5 novembre et sur le site de France Inter. Dans une tribune, les juges des enfants du tribunal de Bobigny s'inquiètent de l'état de la justice des mineurs. Ils citent par exemple des délais d'attente aussi absurdes qu'affolants. Près de 900 familles sont en attente. Un enfant reste un an et demi de plus en situation de danger et de difficulté, alors qu'un juge des enfants l'a rencontré et a constaté qu'il était dans cette situation. Une tribune donc sur France Inter et Le Monde à partager activement sur les réseaux sociaux. Et puis sur ces réseaux, j'y reste, puisque je suis aujourd'hui adolescente, avec un sujet très largement traité, mais je vous en parle quand même. C'est le défi lancé par 62 youtubeurs, pas moins, pour préserver le climat. Alors parmi eux, toutes les vedettes du genre, Norman, qui a pour mémoire plus de 11 millions d'abonnés, ou Enjoy Phoenix, qui en a 3 millions. Ils mettent leur poids dans la balance pour faire changer les choses avec une campagne qui s'intitule « On est prêt ». C'était à lire notamment dans le Parisien du lundi 5 novembre qui consacrait un grand papier à cette question. La campagne est censée toucher les 12-25 ans et les aider à prendre de nouvelles et bonnes habitudes pour l'environnement. Mais moi, je me demande si les abonnés au conseil beauté et maquillage d'Enjoy Phoenix la suivront pour sauver la planète. Les défis doivent commencer le 15 novembre, alors rendez-vous dans quelques semaines pour voir si le mouvement prend et s'il a les échos attendus dans les médias. « si l'on en croit l'émission Soft Power sur France Culture de dimanche dernier, le jeu Fortnite, dont on vient d'entendre une musique, se transforme presque en nouveau réseau social sur lequel les adolescents dialoguent entre eux. Ça, c'est en tout cas ce que disaient les experts invités à l'émission dimanche dernier. Ils considèrent que ce jeu est porteur entre autres d'un nouveau modèle économique. Vous en saurez plus en écoutant le podcast de Soft Power du 4 novembre. Mais moi, quand j'ai demandé à mon jeune geek maison ce qu'il en pensait, la réponse fut « Fortnite, moi j'y joue pas et mes copains non plus ». Alors ça remet bien sûr pas en question la pertinence des invités de Soft Power, qui décrivait Fortnite comme un phénomène à nul autre pareil et dont la puissance égalerait peut-être celle de Google. Bref, aucun de nos ados n'était censé y échapper. Mais ça m'a rappelé que le point de vue des adultes sur ces pratiques est parfois très décalé parce qu'un poil théorique. Alors pour mourir moins bête, j'ai appelé au secours Julien et Quentin, le duo de chroniqueurs de jeux vidéo de l'émission, et ils m'ont conseillé une chaîne YouTube. Cette chaîne s'appelle Game Spectrum, et nous mettrons le lien bien sûr sur le site. C'est une chaîne extrêmement intéressante, dixit Julien, notre chroniqueur, qui analyse les jeux vidéo par le prisme des questions de société. J'ai donc visionné l'émission consacrée à Fortnite, et on y comprend que le succès de ce jeu n'est peut-être pas dû seulement à sa qualité. La chaîne interroge un ergologue et un studio de jeux pour comprendre comment Fortnite utilise la data, c'est-à-dire les données récoltées sur les comportements des joueurs, pour mettre en place des outils pour les faire rester le plus longtemps possible. Et puis ensuite, ça se complique, on nous parle de conditionnement opérant. L'idée, c'est de faire adopter des comportements assez frénétiques grâce à des dispositifs qui rappellent pas mal le réflexe conditionné de Pavlov, mais version vicieuse. Ou bien de l'usage de la psychologie cognitive la plus avancée dans les jeux vidéo. Et puis ensuite, la chaîne analyse la monétisation de tout ça. Bref, merci Julien et Quentin. Et un bon conseil pour vous, chers adultes, jetez donc un œil sur Game Spectrum. Car un homme, une femme et a fortiori un ado averti en Val 2, c'est bien connu. Alors pour conclure cette semaine, Véronique, pas de petit tour dans la presse jeune publique parce que j'ai manqué de temps. Et puis que j'ai déjà pris trop de temps. Alors je vais juste souhaiter un joyeux anniversaire à un magazine qu'on n'a plus vraiment besoin de présenter, c'est Astrapi, la revue des 7-11 ans, un mag qui propose des reportages à hauteur d'enfant, des fiches bricolage pour faire des trucs avec ses 10 doigts, des recettes de cuisine, des BD, des conseils de livres, bref, un mag classique, sympa et ludique du groupe Bayard, comme Okapi, Pomme d'Api, et qui a soufflé ses... Bah, combien de bougies, Véronique ? 40, je crois. Ah mais bravo, mais quel talent Véronique. Eh ben ouais, 40 balais, alors ça ne nous rajeunit pas vraiment. On va voir si Aldebert peut nous arranger ça avec ses super pouvoirs pourris. Merci Estelle. Le docteur Maurice Danner, biophysicien un peu soupoulé, cherche le moyen de réveiller les forces latentes que chaque homme possède en lui. Mais une surdose accidentelle de rayons gamma, avec 5 M, bouleverse la composition chimique de son organisme. D'aucuns diraient... Hé, tonton, ça veut dire quoi, ça ? Bah, ça veut dire en gros, quand il est contrarié, il devient tout vert, puis il peut lancer des bagnoles, tu vois. Et toi, t'es un super-héros ? Ben, je veux, mon neveu. T'as quoi comme pouvoir ? Ben, moi, par exemple, je peux... Lire dans mes propres pensées, être invisible quand personne me mate, choper la crève en été, manger des danettes, vanille par quatre, reculer le temps d'une heure en hiver, déplacer les objets rien qu'en les touchant, voir au travers des murs de verre, synthétiser une odeur de pâté en rotant. Tout le monde se marre, on se moque, on me charrie, car mes super pouvoirs sont super pourris. Mais c'est ainsi, mais c'est ainsi, pouvoir pourri, mais c'est ainsi. Changer l'acier en métal repoussera plus tard ce que je peux faire maintenant. Trouver swag de porter des sandales, prendre l'apparence d'un humain qui me ressemble vachement, faire sauter les tartines du toaster de loin, marcher sur l'eau quand elle gèle, prédire quel jour nous serons demain. Trois nuits de mort sur les coccinelles. Tout le monde se marre, on se moque, on me charrie, car mes super pouvoirs sont super pourris. Mais c'est ainsi, mais c'est ainsi, pouvoir pourri, mais c'est ainsi. attaqué par une grosse araignée génétiquement modifiée. Bientôt vous verrez les rejetons, je serai le Wonder Tonton. À base de base ultra secrète, de shuriken dans les sockets. Cabane à vision thermique, cocktail à la kryptonite. Des super bouffons immondes, je débarrasserai le monde. Vengeur à l'américaine, open bar chez les semaines. Je survolerai tranquillou New York en costume chelou. Hier moi j'ai fait un selfie avec Batman et l'homme fourmi. Tout le monde se marre, on se moque, on me charrie. Car mes super pouvoirs sont super pourris, me sautent ainsi. Tout le monde se marre, on se moque, on me charrie. Car mes super pouvoirs sont super pourris, me sautent ainsi. Mais c'est ainsi, pouvoir pourri. Mais c'est ainsi, pouvoir pourri. Mais c'est ainsi, pouvoir pourri. Mais c'est ainsi. C'est nul. Super, super, super, super. Pouvoir bourri.